Pour aborder notre étude d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre connaissance d'un texte qui se trouve dans le prophète Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Il y est question des deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Malachie chapitre 1, versets 2 et 3. C'est Dieu qui parle. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Face à cette déclaration divine, notre première réaction est de nous poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il éprouvé de l'amour pour Jacob et de la haine pour Ésaü? N'est-ce pas injuste? Nous avons vu dans nos études précédentes qu'Ésaü s'est volontairement exclu de la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas voulu bénir Ésaü, mais Ésaü s'est soustrait lui-même à la bénédiction de Dieu, et cette attitude a pesé lourdement sur son destin et sur celui de sa descendance. Il n'y a donc pas eu injustice en Dieu, d'autant plus que son amour a été également inconditionnel et souverain envers Jacob. Dieu n'a pas attendu que Jacob devienne un saint pour commencer à l'aimer. Comme il n'a pas attendu que nous ayons manifesté des prédispositions à la sainteté ou des garanties de fidélité pour s'approcher de nous. Bien au contraire. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. L'amour de Dieu ne s'explique pas, ne se raisonne pas, ne se traduit pas en formules analytiques. Il s'expérimente dans la vie quotidienne et il se prouve au travers des circonstances humaines. Seul le miracle de la grâce divine nous prend là où nous sommes et tel que nous sommes pour nous faire passer de la perdition au salut éternel, de la damnation à la gloire, de la souillure à la sanctification. Pour revenir à Jacob, il n'a pas mérité l'amour divin dont il a été l'objet durant toute sa carrière. Il n'y avait rien d'aimable en lui. Si la Bible dit que c'était un homme tranquille, Genèse 25, 27, elle ne dit pas que c'était un homme sans problème. Les apparences peuvent être trompeuses. Certains d'entre nous sommes passés maîtres dans l'art de cacher nos instincts batailleurs sous un extérieur très paisible. Ce fut le cas de Jacob. Que de fois son tempérament belliqueux a-t-il surgi? Dès le premier instant de sa vie, il a montré qu'il était supplanteur. Genèse 25, verset 26, raconte qu'en sortant du sein maternel, il se cramponnait au talon de son frère. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été nommé Jacob, ce qui veut dire supplanteur, trompeur. Ce nom, il l'a bien porté, et pendant de longues années, hélas. Une ruse déconcertante n'a-t-elle pas dominé le dialogue qu'il eut avec son frère Ésaü lorsque celui-ci est revenu des champs exténué et que Jacob lui a offert son potage en échange du droit d'aînesse? Genèse 25, versets 29 à 34. Sous cette nature calme et réfléchie, ruait et se cabrait un tempérament violent. Jacob ne se laissait pas faire, ni par les circonstances, ni par les gens. Lorsqu'il s'était assigné un objectif, il voulait à tout prix l'atteindre. Et pour y parvenir, il trichait si nécessaire. Il a triché avec les hommes, plus il a essayé de tricher avec Dieu. Et sa mère l'a encouragé dans cette voie. Vous souvenez-vous, chers auditeurs, du chapitre 27 de la Genèse? Rebecca, mère de Jacob, a entraîné son fils dans la tromperie et le mensonge pour arracher à tout prix à Isaac la bénédiction patriarcale qu'il voulait décerner à Ésaü, son fils aîné. En cette occasion, Rebecca a fait revêtir à Jacob les plus beaux habits d'Ésaü. Elle a couvert ses mains de la peau des chevreaux pour que Jacob paraisse velu comme son frère. Elle a déposé dans ses mains le plat de venaison préparé exactement selon les goûts d'Isaac. Mais il était une chose qu'elle n'a pas pu faire, s'exprimer à la place de son fils. Jacob s'est présenté seul devant Isaac, ce vieillard au regard fixe. Et là, Jacob a pu entendre le timbre de sa propre voix, affirmant sans embâge « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. » Genèse 27, verset 19. Peut-être que l'écho de cette phrase a sonné creux à l'oreille de Jacob. Peut-être a-t-il été surpris de voir la réaction d'Isaac, son père, ce père qui s'était tant réjoui de ce repas et qui maintenant s'étonnait de ce que le service ait été aussi rapide. Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? Il fallait donc bien que Jacob imagine une réponse pour se donner une contenance. Alors le naturel rusé de Jacob a tiré de son arsenal le meilleur projectile, un obus de choix propre à désarçonner la méfiance de son père. Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Genèse chapitre 27, verset 20. Rien ne pouvait toucher plus profondément le cœur de ce vieillard, croyant discerner un élan de piété se manifestant soudain chez Ésaü, ce fils si peu porté vers les réalités de la foi. Quelle lueur d'espoir pour Isaac ! Ce fils sur qui il concentrait toutes ses ambitions paternelles, avait-il vraiment constaté l'intervention du Tout-Puissant faisant surgir à sa rencontre le gibier désiré ? N'était-ce pas pour ce père soucieux d'écarter la bénédiction de Jacob au profit d'Ésaü la preuve qu'après tout, Dieu était dans cette affaire ? Cependant, Isaac n'était pas tout à fait certain de l'identité de son interlocuteur. Il lui fallait procéder à une ultime vérification. Il avait besoin d'un dernier test. Il fit donc approcher le pseudo Ésaü et lui dit « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit « C'est moi. » Genèse chapitre 27, verset 24. Jacob est à la fois compositeur et chef d'orchestre dans un concert symphonique où les violons des lèvres mensongères vibrent à l'unisson des contrebasses de la ruse. La dissonance causée par un premier mensonge est toujours adoucie dans l'accord d'un deuxième ou l'harmonie d'un troisième. Et lorsqu'on introduit dans l'orchestration de la fraude la note grave d'une mention divine ou d'un verset biblique, la sérénade berce l'oreille des auditeurs pour conférer au mensonge la puissance de la persuasion. Près de 4000 ans se sont écoulés depuis la tromperie de Jacob. Mais il faut bien le reconnaître. Comme pour Jacob, un artiste de la ruse et un musicien de la tromperie habitent en chacun de nous. Nous sommes tous capables d'orchestrer un nouveau concerto du mensonge chaque fois que les circonstances nous y inviteront. Serions-nous impliqués dans ce genre d'aubade au moment où nous écoutons cette émission ? Cultiverions-nous une mélomanie de cette catégorie ? Jacob a menti. Jacob a trompé, Jacob a supplanté. Mais le supplanteur sera abondamment supplanté par la suite. D'amères circonstances lui rendront la monnaie de sa pièce. Il a trompé son père. Son beau-père le trompera, et combien de fois ? Il a trompé sous l'instigation de sa mère. Mais sa propre femme usera aussi de tromperie. Il a trompé pour voler l'héritage. Mais ses fils le tromperont à leur tour sur le territoire échu en héritage. Il a trompé pour évincer son frère. Mais ses fils le tromperont encore aux suprêmes épreuves dans le but d'évincer leur propre frère dont ils seront jaloux. Je fais allusion ici à la pathétique histoire de Joseph, déporté en Égypte après avoir été vendu par ses frères. Malheur devant lequel Jacob est demeuré inconsolable pendant 22 ans. Oh, la sagesse de l'Écriture, lorsqu'elle constate « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Épître aux Galates, chapitre 6. Versets 7 à 8. Sommes-nous conscients, sommes-nous éveillés au danger que représente notre nature propre, pas seulement adamique, mais aussi jacobite ? Ceux qui ont été sauvés du monde et du péché pour être transformés par la grâce de Dieu savent de quoi ils ont été arrachés. Mais il est peut-être parmi nos auditeurs des enfants de parents chrétiens, engagés dès leur jeunesse sur les rails de la foi. Pour eux, la conversion a été facile, peut-être trop facile. C'est presque inconsciemment que nous sommes devenus enfants de Dieu. Cependant, n'avons-nous pas tous, tôt ou tard, l'occasion de découvrir la déchéance et le potentiel de ruse de notre nature propre ? Quels sont les serviteurs de Dieu qui n'ont pas, une fois ou l'autre, pleuré amèrement sur eux-mêmes ? Chers amis chrétiens, avez-vous passé par une véritable repentance ? Dieu ne permet-il pas certaines circonstances pour nous acculer, afin que nous en arrivions à une profonde conviction au sujet des ruses de notre cœur naturel? Le prophète disait : Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, 5. Les abondantes larmes que l'enfant de Dieu peut verser sur lui-même ont autant de valeur aux yeux du Seigneur que le repentir de l'enfant prodigue retrouvant les bras du Père, ou le cri de détresse du pécheur se jetant aux pieds du Sauveur. En terminant cette émission, je m'adresse donc en particulier à ceux de nos auditeurs qui ont eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Chers frères, chères sœurs en Christ, avons-nous laissé pénétrer l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, jusqu'au fond de notre cœur, afin qu'elle y mette de l'ordre et y démasque le tricheur, le fourbe, le supplanteur, le Jacob qui s'y cache? Si oui, nous comprendrons un peu mieux les mots de l'Écriture que j'ai rappelés tout au début, cette parole que Dieu a inspirée au prophète Malachie. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et si ce mot « cependant » fait vibrer une corde sensible en notre fort intérieur, nous serons d'autant plus aptes à saisir le message réconfortant et encourageant de Genèse chapitre 28,